Celui de l'enfant. Oui. Si tu développes l'énergie positive. L'enfant qui a de l'énergie beaucoup, beaucoup négative, là. Oui. Fatigant. Oui. Okay? Toi, tu fais la bonne, tu endures ça, tu es fatigante, tu développes beaucoup d'énergie positive, tu t'as fait. Oui. C'est ça que tu fais pour développer l'énergie positive. Oui. Tu tolères, tu es patiente, tu es bonne, tu es douce, tu es peut-être triste, tu fais tout ce que tu peux pour l'aider. Ouais. Ouais. C'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Puis comment faire pour l'énergie négative? Quelqu'un qui a un enfant qui est fatigant, que ce soit l'enfant d'un autre ou tiens, c'est fatigant. Fait que tu dis que t'es fatigant, tu t'en veux pas. Tu comprends-tu? Ça, c'est l'énergie négative. Oui. Quand tu dis que t'es fatigant, tu t'en veux pas, tasse-toi. Oui. Ça, c'est l'énergie négative que tu développes. C'est ça. Ça fait réagir. Ça fait réagir. Ça crée un choc vibratoire. Voyez-vous? Oui. Le mot oui, c'est de l'énergie positive. Le mot non, c'est de l'énergie négative. On est où? Quand tu dis jamais non, c'est pas moral. Voyez ça en dehors de la moralité. Non volontaire. Oui, souvent on a des difficultés avec un premier enfant, on a de la misère frustré. On sent de la culpabilité, pas de bonne mère. Ouais. C'est ça. Ça, c'est bien important. Plus vous développez d'énergie, si vous avez trop d'énergie négative, d'ailleurs, tout, c'est toute l'énergie positive, vous en avez trop. Il faut que vous appreniez à développer de l'énergie négative. Éventuellement, vous allez arriver au juste milieu. Dans ce processus-là, vous développez le discernement. C'est ça, d'ailleurs, qui crée les liens motifs. C'est ça, l'énergie. Exactement. Peut-être plus concret sur l'énergie négative, c'est qu'on a trop d'énergie positive, donc on n'a pas assez d'énergie négative. Vous avez trop d'énergie positive, vous êtes trop bon. Vous n'entendez pas de l'autre bord parce que ça vous concerne pas l'autre bord. Mais l'énergie négative, elle veut savoir comment c'est. Quand t'es bon, c'est positif, mais quand tu. T'es toujours bon. Mais quand tu laisses passer de l'énergie négative, t'es comment? C'est dans la forme. C'est le bout de ta tête, quoi. Non. Bon. Graphique, encore. Supposons que vous avez un enfant. Bon, on prend votre cas. Un petit gars de 17 ans. Bon. Il faut à un certain moment que vous en arriviez à vous libérer émotivement de lui. Bien qu'une façon de vous libérer émotivement de lui, c'est en développant une énergie négative. Alors, l'énergie négative, c'est pas négatif dans le sens moral du terme. Mais dans le sens que, lui, il faut qu'il fasse son expérience. S'il fait ses gaffes, ça fait partie de son expérience. Vous lui avez donné l'énergie positive pour qu'il évolue. Puis s'il est plus capable d'évoluer, passer un certain point, vous ne pouvez plus continuer à lui donner l'énergie positive. Parce que vous allez le nourrir constamment. Fait que vous êtes obligé de changer puis donner l'énergie négative pour qu'il y ait une situation quelconque. Ça crée automatiquement un choc. Les enfants, à l'âge de 2 ans, à la part du nombre de psychologie, naturellement, c'est ça qu'ils font avec leurs parents pour couper la symbiose avec la mère et avec l'entourage, pour s'affirmer lui-même. Mm-hmm. C'est ça, naturellement, l'enfant de 2 ans fait ça. Mm-hmm. Bon. Quand la mère est très patiente, là, puis qu'elle va le chercher pareil dans son nom. Comprends-tu? Il dit non, puis elle a rendu qu'elle dit non. Lui, là, c'est ce lien-là qui n'est pas coupé. Puis c'est ça qui crée des liens qui est le support de la psychose aussi, ultérieurement. Bon, quand c'est pas fait à 2 ans, la mère, l'enfant le fait naturellement à 2 ans, avec ce qu'il est. Et la mère, elle a absorbé ça, elle. Tu comprends-tu? Par taux d'énergie positive. La mère, elle va être obligée de le faire à l'autre bout de notre vie. Quelque part, elle va être obligée. Exactement. C'est ça qui est dur. Puis comment dire, comment développer, c'est dire non à ça. Dire non à l'amour et à la tendresse du gars pour elle. C'est ça. Le repousser, c'est ça que les gens filent comme le rejet. C'est ça. Exactement. Puis les gens peuvent le faire. Puis l'Église, souvent, on est pas liés, nous autres, avec la part de l'Église qui nous a enseigné à être charitable, puis à être compréhensible, puis à être bon. C'est bon d'être charitable et compréhensible et être bon. Il y a une balance. Il y a une limite à la charité, à la bonté et à l'autre affaire que tu dis. Il faut qu'il y ait une balance. S'il n'y a pas de balance, tu ne peux pas être conscientisé. C'est impossible. Tu vas être pogné à tes émotions. Alors, tous les gens ont trop de un ou trop de l'autre. Les orientaux appellent ça yin-yang. C'est ça. C'est exactement ça. Pis c'est dur pour nous autres d'en arriver avec notre culture. Moi, j'appelle ça mettre l'âge dedans. Faut qu'on le fasse. Puis dans votre expérience, vous allez être obligé d'apprendre à le faire. Vous allez être obligé de le faire. Quelque part dans le temps, dans 2 ans, dans 10 ans, vous allez être obligé de le faire. Parce que c'est ça qui va vous empêcher de développer le discernement. Le discernement, c'est le résultat de la perception de ça. Ben oui, parce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir le discernement quand tu n'es pas seul dans ta peau. C'est ça. Quand tu as des liens émotifs avec les autres, tu es tout le temps par la main émotif. C'est ça. C'est ça. C'est pas de possibilité. C'est ça. Et jamais autonome. Ouais. Exactement. Les protéger, les enfants. Des surveillants pour les protéger. Matériellement. Ouais. La seule protection qu'on a donnée aux enfants, c'est la protection matérielle. Matérielle. Parce qu'on est juste père et mère matérielle. C'est ça. Spirituellement, tu leur dois rien. Rien. Spirituellement, tu leur dois rien, tu sais rien. Il est temps que tu donnes des conférences. C'est ça, je t'apprends. Oui, mais ça, là, Bernard, ça découle du fait qu'ils ont toujours, ils nous ont toujours cassé la tête avec nos responsabilités de parents, puis nos responsabilités de parents. Tu sais, je veux dire. Ils nous ont cassé la tête avec nos responsabilités de parents parce qu'ils ont contaminé notre vie familiale par le biais de l'éducation. C'est ça. Autrement dit, prends un enfant, puis un mec, puis une père, sur un île, tout seul, là, laisse-les évoluer par eux-mêmes, là, ils n'auront pas ces problèmes-là. C'est ça. C'est la société, puis la culture, puis c'est ça, c'est l'église, ça. Tout ce que tu voudras, qui nous ont mis trop épais sur le dos. C'est ça, ouais. Exactement. Et les épaules. Il faut s'occuper de sa mère-là. C'est ça. Sa mère-là, l'église. Oui, oui, d'accord. D'accord avec toi. On doit se couper de tout. Longtemps que j'ai fait ça. On doit se couper de tout. On doit s'enraciner en nous-mêmes. Mais je suis seul point parce que tu dis se couper, on dit ça, se couper, mais c'est pas juste couper. Parce que juste couper, c'est paralysant. Pour une compréhension spirituelle. C'est pour faire un mot contraire. T'es obligé de faire un mot. Faut toujours faire un mot. Oui. Tout le temps. Il y a toujours une décision derrière une action. Une action que ce soit dynamique et créative et jamais passive. Parce qu'il y a des actions passives. Faut que ça soit dynamique et créatif. Faut que ça fasse mal une action. Une action, ça fait pas mal, ça change rien. Faut pas dire, je vais prendre la tête, c'est comme ça, c'est pas mal à personne. Ouais, ouais. C'est bien important de comprendre ça, qu'on est obligé de développer de l'énergie négative, parce qu'on a trop d'énergie positive. Ça paralyse le contact entre le supramental et le mental humain. Trop d'énergie positive. Ça veut dire, ça, c'est juste être fidèle à soi-même. C'est fidèle à soi. C'est juste un ami qui est fidèle. Ouais. C'est ça. C'est ça. Exactement. Exactement. C'est ça. Et plus ni moins, il ne faut pas que tu te laisses conseiller. C'est ça. Quand tu as nagé, tu as nagé. Ça doit être ton père, ça doit être ta mère, ça doit être ton fils, ça doit être celui-là. Ça fait une loche que là, une loche que là. C'est ça. Tu veux belle, tu vas t'appeler. Puis de parler d'éducation, c'est difficile de nous amener à ça. Oui. Parce que tu portes pour ça en calme, tu portes pour ça. Ouais, c'est ça. Ça. Mais la peur aussi chez les jeunes de 15 ans, leur capacité à dire non à leurs leur parents. Oui. Ouais, ça fait partie de l'éducation. Ouais, ça fait partie de l'éducation. Oui, tu peux être fidèle à soi-même. Oui. Tu peux être fidèle à soi-même. Donc, si la fidélité, ça, c'est bon pour les chiens. Fidélité à l'homme, ça, c'est bon pour les chiens. Les chiens sont fiers à leur main. Un être humain, il est fier à lui-même. Oui. Ouais. Ça, ça fait ensemble. Tout, c'est ça. Mm-hmm. Il dit qu'un être doit toujours être autonome. En relation avec un autre être. Un être, deux êtres peuvent être unis dans l'amour. Mais il faut qu'ils soient autonomes l'un envers l'autre. Jamais d'esclavage. Parce qu'il y a le temps de révolution. Être autonome, qui a dit tantôt, c'est deux affaires. Être autonome, qui est indépendant, c'est deux choses. Ah oui. Être indépendant, c'est psychologique. Être autonome, c'est créatif. OK. Être indépendant, moi, je suis dépendant de mon garage juste pour réparer mon auto. Mais je suis autonome parce que c'est moi qui choisis mes conseils et je vous dis. C'est ça. Tu es libre d'y aller où tu ne veux pas y aller. C'est ça. Il n'y a jamais d'impulsion extérieure quand tu es autonome.

C'est ça que je dis, arrête d'adorer tes sacrements, puis commence à agir. Parce que tu as beaucoup d'âmes qui sont contentes là-dessus. Puis c'est eux autres qui sont sentis, puis c'est eux autres qui le capotent. C'est les contemplatifs qui capotent. Parce qu'ils descendent passer dans la forme ordinaire. Puis garde tu les psychotiques, tout ce qui est énergie physique, sexuelle, ça leur dit rien, ça. Puis là, ils se pensent bien avancés, ils sont au-delà de ça. C'est pas vrai, faut qu'ils parlent dedans. C'est juste. Faut qu'ils goûtent ça. Non. Faut que tu aies du fun avec ton corps, tu aies du fun avec les autres. Tellement raison. Quand je dis, moi, faut que tous les sept plans soient intégrés. Toutes. De haut en bas. Exactement ça. Et tant que tu donnes des conférences. C'est style là l'affaire. Bring you $100. Just give me the money. Est-ce que vous dans la forme, là? C'est toi qui est pogné dedans, là. C'est toi qui est pogné dedans, là. Tu vas-tu faire, tu? Tu vas être gêné de côté de ta pièce. Là, tu vas être pogné. Ça va être tout ça. You got it? No, but they go with you. You don't have $100? You don't have $100? What do you mean? You mean from these people? Yeah. You can tell them both. Yeah. Yeah. Bunch it up together and give me $100. Tout te revient à faire. Tout. Puis où ils nous accrochent? C'est quand ta forme est basse, puis basse, puis basse, puis basse, puis basse. Parce qu'on est autres, on est haut, on est haut, on est haut, on est haut. On est contemplatif. Puis il faut qu'on ait. Je vais vous dire une chose. Je vous garantis absolument que dans l'évolution vers le supramental, ils vont vous descendre de plus bas ici. Ils vont vous amener. Puis quand vous n'aurez pas fait la connexion entre les, toutes les plaies, que vous ne serez pas à l'aise. Dans tous les plans, le travail ne sera pas fini avec eux autres. Ça, c'est garanti. C'est garanti. C'est des lois du supramental. Parce qu'eux autres, ces êtres-là, agissent totalement, sont totalement en dehors de la forme. Sont totalement anti-égaux. Vous parlez du pouvoir de l'humain dans l'âme. Le pouvoir de lumière dans l'homme ne rentre jamais dans l'homme en relation avec la façon dont l'homme pense. C'est eux autres qui déterminent les lois d'évolution, pas nous autres. C'est à nous autres d'aller y vivre les lois d'évolution, pour savoir comment ce qui fonctionne. Quand on comprend ça, là on commence à comprendre comme ça, c'est là que nos centres s'ouvrent. Pour que nos centres s'ouvrent, il faut qu'on s'ouvre. Bon, Bernard, quand tu dis là, les forces de lumière sont totalement anti-égaux. Ils sont anti-égaux. C'est vrai. Ben, c'est pas c'est vrai. Je te trouve, par contre. Quand je dis anti-égaux, je veux pas dire qu'ils sont contre l'égo. Bon. Ils sont anti-égaux qui est pogné dans l'enfer. Mais ils respectent l'égo. C'est ça. Ils respectent l'égo quand l'égo est conscientisé à eux autres et que l'égo comprend les lois de la lumière. C'est ça, les lois de la lumière. Quand l'homme comprend pas ça, l'homme comprend rien. Peux-tu l'avoir mis? Oui. Moi, j'essaie de vous faire comprendre par des mots très simples ce qui est très clair. Puis tant que vos égos bloquent à la forme de ce que je dis, vos égos ne peuvent pas aller. D'abord, on vous dit quelque chose. Ça, c'en est un autre exemple. Vous ne pourrez jamais comprendre la vie autant que moi je la comprends tant que vous ne serez pas dans l'éther. Je suis fusionné. Dans l'éther, vous serez fusionné. En attendant, je deviens pour vous autres comme un air qui vous est à 360 degrés pour que vous autres vous puissiez aller pour en arriver éventuellement à 360 degrés.